façon, j'irai pas. Je ferai n'importe quoi. Que se passe-t-il d'important pour que papa et maman restent debout plus longtemps que moi? Maman, tu sais, il est trop tôt. Mon estomac me crie tout haut de faire un tour vers le frigo, voir s'il reste encore un morceau. Papa, tu vois, je ne peux pas. Je dois ranger la pièce du bas. Tu vas crier si j'y vais pas. J'ai tout sorti, c'est pas sympa. De toute façon, j'irai pas. Je ferai n'importe quoi. Que se passe-t-il d'important pour que papa et maman restent debout plus longtemps que moi? Maman, tu sais, il est trop tôt. Je n'ai pas terminé mon gâteau. Et puis quand je l'aurai fini, faut encore aller faire pipi. Papa, tu vois, je ne peux pas. Je n'ai pas encore mon pyjama. Et comme ce soir il fait très chaud, il faut que j'aille boire un peu d'eau. De toute façon, j'irai pas. Je ferai n'importe quoi. Que se passe-t-il d'important pour que papa et maman restent debout plus longtemps que moi? Maman, tu sais, il est trop tôt. Laisse-moi regarder les infos. Un petit peu de pub, quelques images. Je reprendrai bien un peu de fromage. Papa, tu vois, je ne peux pas. C'est trop dur de vous laisser là. Je suis un grand, je veux rester. Je ne suis même pas fatigué. De toute façon, j'irai pas. Je ferai n'importe quoi. Que se passe-t-il d'important pour que papa et maman restent debout plus longtemps que moi? Il a fallu malgré tout y aller. Ce soir pourtant, j'avais bien résisté. La tête baissée, je m'en vais vers mon lit. Je traîne un peu les pieds. J'ai perdu. C'est la vie. Quand je suis allongé sur mon lit, papa vient me raconter des histoires. Dans ma tête, j'imagine des pays. Le moment que je préfère, c'est le soir. Le moment que je préfère, c'est le soir.